donné, celle qui m'a tout donné, abandonné, abandonné. Où c'est voulu, elle m'a laissé tout ça en tini, pour faire plaisir. Mais non, c'est pas comme ça la vie, l'homme ou pas ni pris. Surtout pour ça aux amis, on peut déjà laisser yo tomber. Parce que l'amour sans trésor, que tout le monde te veut trouver. Parce que l'amour sans trésor, que tu peux te trouver.